Chapitre 25. La Bastille. Le chevalier de Pardaillan, lorsqu'il avait entendu se refermer la porte, lorsqu'il avait compris que cette porte de son cachot était inébranlable, était tombé sur les dalles presque sans connaissance. Sous ses dehors de pince sans rire un peu froid, Pardaillan cachait une nature impressionnable à l'excès. Ses colères et ses joies, pour ne pas se traduire au dehors en gestes exubérants, n'en étaient que plus violentes. Lorsqu'il revint à lui, le premier emploi qu'il fit de son énergie fut de se réduire au calme le plus absolu et de dompter la fureur qui bouillonnait en lui. Alors, il examina la chambre où il était enfermé. C'était une pièce assez vaste, dont le plancher était composé de larges dalles. Cependant, dans tout un angle, les dalles s'étant brisées, on les avait remplacées par des carreaux. Les murs et la voûte surbaissée étaient en pierre de taille noircie par le temps. Mais elles n'étaient point trop humides, le cachot étant situé assez haut dans la tour. Cependant, il faisait froid dans cette pièce comme dans une cave, grâce sans doute à l'épaisseur des murs. Une étroite lucarne placée assez haut laissait entrer un peu, très peu de lumière et d'air. Mais en montant sur un escabeau de bois, siège unique de cette prison, il était facile d'atteindre cette fenêtre. Une botte de paille, une cruche pleine d'eau sur laquelle était déposé un pain, achevait l'ameublement de la chambre. Il régnait là une pesante tristesse qu'accentuait le silence ambiant. Dans le corridor, on entendait le pas lent et sonore d'une sentinelle. Les bruits de Paris n'arrivaient que très affaiblis et comme lointains. Pardaillan se jeta sur la paille assez propre qui devait lui servir de lit. Une couverture trouée et limée traînait sur cette paille. À l'active de notre héros, disons qu'à ce moment d'angoisse terrible pour un homme qui savait parfaitement qu'on ne sort de la Bastille que les pieds devant, à ce moment, toute sa pensée se reporta vers Loïse. L'amertume de son arrestation lui vint surtout de ce qu'il n'avait pu courir au secours de sa petite voisine. « C'est moi qu'elle a appelé, songeait-il. C'est tout d'abord à moi qu'elle a pensé dans le danger. Et me voici en prison, dans la tombe plutôt. Que va-t-elle dire? Que va-t-elle penser ?» Des larmes de rage et de douleur s'échappèrent de ses yeux. Longtemps il tourna et retourna dans tous les sens cette pensée qu'il lui avait fallu une malchance inouïe pour être arrêté en un tel moment. Jamais Pardaillan ne s'était dit d'une façon bien positive qu'il aimait cette jeune fille. Le déchirement qu'il éprouva lui fut une révélation, et ce fut presque avec de l'étonnement qu'il se répéta doucement « Je l'aime !» Mais à quoi bon cet amour? La reverrait-il jamais? Est-ce qu'on sortait de la Bastille? Et en admettant même qu'un miracle le tira de la sombre forteresse après de longues années, retrouverait-il Loïse? Et quel pouvait être ce danger qu'il avait menacé au point qu'elle avait appelé à son secours un homme qu'elle connaissait à peine de vue? Ce fut au duc d'Anjou que Pardaillan songea. Sans doute le duc et ses acolytes étaient revenus de bon matin, ou peut-être même ne s'étaient-ils pas éloignés. Avec un immense désespoir, Pardaillan se dit que s'il avait passé la nuit dans la rue comme il en avait eu un instant la pensée, non seulement il se fût trouvé là pour protéger Loïse, mais encore il n'eût pas été arrêté. À cette pensée, à la pensée que Loïse était maintenant au pouvoir du duc d'Anjou, il se mordit les poings et éclata en sanglots. Cet état de désespoir, pour ainsi dire rétrospectif, dura 4 jours. Pendant ce laps de temps, le malheureux jeune homme dormit à peine, mangea par-ci par-là quelques bouchées de pain. En revanche, sa cruche d'eau était toujours vide 3 ou 4 heures avant que le geôlier ne vînt renouveler sa provision. Une soif ardente le dévorait, il avait la fièvre. Pour se fatiguer, pour trouver un peu de sommeil, il marchait toute la journée autour de son cachot, du même pas souple et rapide. Il ne s'apercevait pas que de songer ainsi à Loïse, de concentrer son désespoir sur ce point, c'était encore une consolation, et cela l'empêchait de tomber dans un désespoir plus grave. Ce moment arriva. à force de songer à ce qu'il y avait de si terriblement ironique dans la destinée qui le supprimait du monde des vivants, à l'heure même où il eût pu être si heureux, il en vint à se demander pourquoi il était arrêté. Il devinait vaguement que le coup venait de la reine Catherine. Et pourtant, elle s'était montrée si bonne, si franche, elle lui avait donné rendez-vous au Louvre avec une si naturelle fermeté qu'il refusait de s'arrêter à ce soupçon. Mais qui, alors? Est-ce que ce complot que j'ai surpris? Est-ce que le duc de Guise? Mais non, comment aurait-il su? La question bientôt lui devint une obsédante torture de l'esprit. Au bout de 5 ou 6 jours, on n'eût pas reconnu Pardaillan. À force de se poser les mêmes problèmes insolubles, son visage avait pris une sorte d'immobilité douloureuse, dans laquelle flamboyait seulement le double jet de feu sombre qui s'échappait de ses yeux. Le soir du 6e jour, il n'y tint plus et résolut de savoir au moins de quel crime il était accusé. La pensée de la prison l'épouvantait maintenant. Le malheureux qu'on jette dans une geôle ou dans un bagne pour 5 ans, pour 20 ans, celui qui peut entrevoir une résurrection si lointaine qu'elle soit, ne connaît pas les dernières limites du désespoir. Celui-là même qui est condamné à une détention perpétuelle, qui sait son avenir, trouve une sorte d'âpre consolation dans la certitude même de son malheur. Mais être saisi en pleine vie, en pleine force, en pleine expansion de jeunesse, et sans savoir pourquoi, sans entrevoir les limites de la détention, pas plus que par une nuit profonde on ne peut entrevoir le fond d'un précipice, n'avoir pour horizon que 4 murs noirs, sans qu'on sache pourquoi on est arraché à l'horizon du ciel et de la terre, ignorer demain, considérer qu'on meurt à 20 ans et qu'on se verra mourir heure par heure pendant 40 ou 50 ans, Pardaillan toucha ce désespoir spécial. Oh, savoir, savoir à tout prix! Lorsque le geôlier entra le soir dans son cachot, Pardaillan, pour la première fois, lui adressa la parole. « Mon ami, » fit-il d'une voix très douce. Le geôlier le regarda de travers. « Je voudrais vous poser une question. Je vous supplie de me répondre. »« Il m'est défendu de parler aux prisonniers, » fit brusquement le geôlier. « Un mot, un seul. Pourquoi suis-je ici? Ne vous en allez pas. Parlez-moi. » Le geôlier se dirigeait vers la porte. Il se retourna vers le jeune homme et il le vit si bouleversé, si pâle, si pitoyable, que sans doute il fut ému. « Écoutez, » dit-il d'une voix un peu moins rude, « je vous préviens pour la dernière fois. Il m'est défendu de vous parler. Si vous persistiez, je serais obligé de faire mon rapport au gouverneur. » « Et qu'arriverait-il alors ? » demanda le chevalier haletant. « Il arriverait quand vous descendrez dans les cachots. » « Eh bien, rugit Pardaillan, que cela arrive donc. Mais je veux savoir, je le veux, tu entends ? Parle donc, misérable, ou je te jure que je vais t'étrangler. » Il fit un bond pour se ruer sur le geôlier. Mais celui-ci s'attendait sans doute à quelque attaque, car au même instant, il fut dans le corridor et referma la porte violemment. Comme au premier jour, Pardaillan se jeta alors sur cette porte. C'est à peine s'il réussit à l'ébranler. Mais cette fois, son impuissance, loin de le calmer, ne fit qu'exaspérer sa fureur. Pendant toute la nuit et toute la journée du lendemain, il fit un tel vacarme, il poussa de tels hurlements, il asséna contre la porte de tels coups que le geôlier n'osa pénétrer dans le château. Seulement le gouverneur, prévenu, prit une 10aine de soldats solidement armés et, ainsi escortés, se rendit au cachot du forcené. « C'est monsieur le gouverneur qui vient vous voir !» cria le geôlier à travers la porte. « Enfin, je vais donc savoir !» murmura Pardaillan, qui ruisselait de sueur et de sang. Instantanément, il se tut et se tint tranquille. La porte fut ouverte. Les soldats croisèrent leur hallebarde. Pardaillan, dans une sorte d'accès de folie, allait s'élancer sur ses hallebardes. Tout à coup, il s'arrêta court. Une étrange expression d'étonnement se répandit sur son visage. Il venait d'apercevoir le gouverneur au milieu des soldats. Et ce gouverneur, il le reconnaissait. C'était l'un des conspirateurs qu'il avait vu dans l'arrière-salle de la devinière. « Ah ah !» dit le gouverneur, « il paraît que la vue des hallebardes vous produit le même effet qu'à tous les enragés de votre espèce. Vous reculez maintenant. Bon, bon, vous ne dites plus rien ? Écoutez, je suis une bonne âme, moi. Que cela ne se renouvelle plus, vous entendez ? Sans quoi, à la première récidive, le cachot. À la deuxième, la privation d'eau. À la troisième, la torture. Là, vous voilà prévenu maintenant. Que diable, mon cher, si vous ne pouvez dormir, laissez au moins dormir les autres. » Pardeillan avait, en effet, reculé de deux pas. Puis il s'était immobilisé, l'esprit tendu dans une telle recherche que son visage paraissait n'exprimer qu'une profonde stupeur. Le gouverneur, persuadé qu'il avait, par sa seule présence, réussi à terroriser le prisonnier, haussa les épaules avec une indulgente pitié. « Voilà bien de ces diables à quatre » grommela-t-il dédaigneusement. Pardeillan gardait toujours le même silence. Les sourcils froncés, les poings crispés, toute son attitude raidie, il songeait. « Allons, reprit le gouverneur, vous voilà sage et prévenu. Gare le chevalet. J'espère que vous allez vous tenir tranquille, et remerciez-moi de n'être pas plus méchant. » Il fit un mouvement pour se retirer. Alors Pardeillan se porta vivement en avant. « Monsieur le gouverneur, dit-il d'une voix dont le calme eût paru admirable à qui eût su ce qui se passait en lui. « Monsieur le gouverneur, j'ai une demande à vous faire. Oh, soyez sans crainte, je n'essaierai plus de me rebeller, vous m'avez convaincu. »« Parbleu, fit le gouverneur. « Une simple demande, reprit Pardeillan. « Connu, vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici. Eh bien, mon cher, laissez-moi vous apprendre une chose, c'est que je ne m'inquiète jamais de savoir le crime de mes prisonniers. On me livre un homme, je le prends, voilà tout. Seulement, je puis vous apprendre aussi que, selon toute probabilité, vous ne sortirez jamais d'ici. Ainsi, tâchez de faire bon ménage avec moi et vos dignes gardiens. » « Je ne demande pas mieux, monsieur le gouverneur, et je vous remercie de vos bons conseils. Mais là n'est pas la demande que je voulais vous faire. »« Que vouliez-vous donc ?»« Simplement du papier, une plume et de l'encre. » »« C'est défendu. Et puis, on se ruinerait en parchemin si on laissait les prisonniers écrire leurs mémoires. Allons, au revoir, mon brave !»« Monsieur le gouverneur, cria Pardeillan, il s'agit d'une révélation de la plus haute importance. » Une révélation ? Oui, que je veux faire à vous-même par écrit. J'ai découvert par hasard un complot. Un complot ? Fit le gouverneur en pâlissant. Un complot de huguenots, monsieur le gouverneur. Il ne s'agit de rien moins que d'assassiner monsieur de Guise et divers autres personnages qu'on s'est attachés à notre église. Ah ah, diable ! Et vous avez découvert cela ? Je vous donnerai par écrit le moyen de faire saisir les damnés huguenots et la preuve du complot. J'espère qu'on m'en saura gré et que je pourrai ainsi rentrer en bonne grâce. Dès que j'aurai écrit et que je vous aurai remis ma révélation, vous me ferez enlever encre, plumes et papier et je ne demanderai plus rien. J'attendrai simplement que ma bonne volonté soit récompensée, car c'est là un important service. En effet, dit le gouverneur, et si les choses sont bien comme vous dites, c'est bien plus terrible encore. Diable ! Plus terrible que tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, s'il en est ainsi, je vous promets, moi, de faire tout au monde pour hâter votre délivrance. Le digne gouverneur avait immédiatement établi son plan. Il laisserait le prisonnier écrire sa dénonciation. Puis, sur le premier prétexte, il le ferait descendre dans une de ces bonnes oubliettes où un homme meurt en quelques mois. Armé des révélations, il deviendrait non seulement le sauveur de Guise, selon lui futur roi de France, mais encore le sauveur de la Sainte Église. Il se retira rayonnant. Un quart d'heure plus tard, le geôlier apporta à Pardeillan deux feuilles de papier de l'encre et des plumes toutes taillées d'avance. Le chevalier saisit avidement le papier. Une joie singulière brilla dans ses yeux. « Dans quelques jours, je serai libre !» s'écria-t-il. Le geôlier eut un regard narquois. « C'est votre maître lui-même qui m'ouvrira les portes !» continua Pardaillan. « Mon maître ?» fit le geôlier, qui crut devoir se départir de sa consigne. « Oui, le gouverneur, monsieur de Guitalens. Et vous dites que le gouverneur vous ouvrira les portes ?»« Lui-même. » Le geôlier hocha la tête et se retira en songeant. « C'est un autre genre de folie, mais au moins, cette fois, c'est de la folie douce. » Le lendemain, de très bonne heure, il arriva dans le cachot en disant « Eh bien, cette révélation est-elle écrite? Monsieur le gouverneur peut-il venir la chercher ?»« Pas encore. Vous comprenez, il faut que je me rappelle bien tout. »« Hâtez-vous, en ce cas. Monsieur le gouverneur est impatient. »« Bon, dites-lui que pour avoir attendu, il n'en sera que mieux servi selon ses mérites. Je vous jure qu'il sera content. »« Au point de vous ouvrir les portes lui-même, » ricana le geôlier en se retirant. Pardaillan, demeuré seul, approcha l'escabeau de la fenêtre, se hâta d'y monter et colla vivement son visage au barreau. Qu'espérait-il? Quelle pensée avait soudain illuminé son désespoir? Cette pensée devait être bien puissante, car parfois il frissonnait. Toute la journée, il inspecta du haut de son escabeau les abords de la prison. Il aperçut à deux ou trois reprises son chien qui errait, et murmura avec un sourire attendri. « Pauvre Pipo !» Soudain, comme il prononçait ce mot, il étouffa un cri de joie folle. « J'ai trouvé » s'écria-t-il en descendant de son escabeau. « J'ai trouvé !» Et il se mit à courir follement autour de son cachot. Le condamné à qui on apporte sa grâce éprouve de ces joies puissantes où le corps éprouve le besoin de se démener, de crainte que le cerveau n'éclate. Ce fut ainsi que le geôlier le trouva. « Eh bien, ce papier » fit-il sans conviction. Car, de plus en plus, il était persuadé que le prisonnier était devenu fou. « Demain matin, » fit Pardaillan. Le geôlier renouvela la provision d'eau, déposa sur la cruche la ration de pain et se retira. Aussitôt, Pardaillan saisit l'une des deux feuilles de papier qui lui avaient été remises et se mit à écrire une dizaine de lignes. Alors il plia soigneusement le papier et le cacha dans son pourpoint. Cela fait, à coups de talon, il brisa l'un des carreaux qui, dans un angle du cachot, remplaçait les dalles, choisit un morceau assez lourd de ce grès et le cacha soigneusement dans son pourpoint. Alors il s'étendit sur sa paille, ferma les yeux et se tint immobile pour se forcer à la tranquillité et aussi pour achever d'élaborer son plan. Il passa dans cette position le reste de la journée et toute la nuit. Mais s'il eut constamment les yeux fermés, il ne dormit pas un instant. S'il garda une immobilité de statue, sa pensée bouillonnait. Le lendemain matin, Pardaillan, très calme et très froid en apparence, prit la feuille de papier qui lui restait, c'est-à-dire celle sur laquelle il n'avait rien écrit. Il la roula autour du morceau de carreau qu'il avait brisé, monta sur l'escabeau et, le cœur battant, reprit sa place à la fenêtre, ou plutôt à la lucarne. Tout de suite, son regard tomba sur Pipo, qui lui aussi montait sa faction, mélancolique et fidèle. « C'est le moment !» murmura Pardaillan avec un frisson d'angoisse dont il ne fut pas maître. Et d'une voix éclatante, il appela « Pipo !» De l'endroit où il se trouvait, il pouvait entrevoir un coin de la porte d'entrée. Au cri qu'il poussa, il vit les sentinelles lever la tête. « Cela marche » gronda-t-il. Et avec plus de force encore, il cria « Pipo, attention !» Au même instant, prenant une légère reculée, il lança violemment dans l'espace un morceau de carreau enveloppé de son papier blanc. L'instant qui suivit fut pour lui une seconde d'effroyable angoisse. Livide, la sueur au front, il vit le papier rouler sur le sol, Pipo le saisir, les gardes se précipitèrent à la poursuite du chien. et ce fut seulement lorsqu'il les vit revenir qu'il descendit de l'escabeau. Il s'assit, passa les deux mains sur son front et murmura. « Si le chien a lâché le papier devant les gardes, je suis perdu. » Sa liberté, son amour, sa vie se jouaient sur un coup du hasard. Bientôt, un bruit de pas précipité retentit dans le corridor. Pardeillan était pâle comme un mort. La porte s'ouvrit violemment. Le gouverneur apparut, entouré de gardes. Pardeillan se suspendit pour ainsi dire à ses lèvres et attendit ses premières paroles avec une anxiété voisine de la folie. « Monsieur, gronda le gouverneur, vous allez me dire ce que contenait la lettre que vous avez jetée ou je vous fais mettre à la question sur l'heure. » Pardeillan poussa un profond et rauque soupir de joie délirante. « Je suis sauvé, » murmura-t-il. « En vain irez-vous, » reprit Guitalens. « Vous avez été entendu appelant le chien, et vous avez été vu. Répondez. »« Je suis tout prêt à vous répondre, » dit Pardeillan d'une voix vibrante. « Interrogez-moi. »« Ce chien est à vous ?»« Il est à moi, en effet. »« Vous lui avez jeté un papier qu'il a emporté. Ne niez pas. »« Je ne le nie pas. Je dirai plus, c'est que depuis longtemps, mon chien est dressé à ce genre d'exercice. » « Il sait donc où il doit porter ce papier ?»« Il le sait parfaitement, il y a été 100 fois. »« C'est donc à cela que vous destinez le papier, sous prétexte de révélation à me faire ?»« Ah, vous me le paierez cher, et à moins que vous ne me disiez tout ?»« Tout quoi ?»« Vous avez écrit ?»« Parbleu !»« Prisonnier, vous êtes bien insolent, prenez garde !»« Je réponds, voilà tout. » « À qui avez-vous écrit ?»« À une personne que je nommerai tout à l'heure devant vous seul. » »« Et c'est à cette personne que le chien va porter la lettre ?»« Non, mais à un de mes amis, un ami sûr et fidèle, qui, dès ce soir, remettra la lettre à la personne qui doit la lire. J'ajoute seulement que mon ami a ses entrées au Louvre à toute heure. » Le gouverneur Guitalens tressaillit. « La personne qui doit lire la lettre habite donc le Louvre ?»« Elle y habite. »« Le nom de cette personne ?»« Vous le saurez tout à l'heure. » Guitalens réfléchit une minute. Le prisonnier répondait avec une telle franchise, ou plutôt avec un tel aplomb, qu'un commencement d'inquiétude vague se glissa dans l'esprit du gouverneur. « C'est bien, » reprit-il. « Maintenant, voulez-vous me dire ce que contenait la lettre ?» « Avec plaisir, monsieur de Guitalens, » fit tranquillement Pardeillan. « Mais il vaudrait mieux que je vous dise cela seul à seul. Vous m'en pouvez croire. » Le gouverneur jeta un rapide regard sur le prisonnier et l'inquiétude s'accentua en lui. Mais il reprit avec la même sévérité. « J'exige que vous parliez à l'instant. » « Soit donc, monsieur, j'ai simplement écrit à la personne en question » qu'un soir, il n'y a pas longtemps, je me trouvais dans une auberge de Paris. « Une auberge ?» fit sourdement Guitalens. « Une auberge qui se trouve rue Saint-Denis. »« Silence !» gronda le gouverneur en pâlissant. « Et où vont boire des poètes et autres personnages ?» continua Pardeillan en élevant la voix. Guitalens devint livide. « Prisonnier ?» interrompit-il d'une voix tremblante. « M'assurez-vous que votre lettre est assez grave pour que nous en parlions seul à seul ?»« C'est un secret d'État, monsieur, » fit gravement le chevalier. « En ce cas, il vaut mieux en effet que je sois seul à vous entendre. » Il se retourna et fit un geste. Soldats et geôliers sortirent à l'instant. Guitalens les accompagna jusque dans le corridor. « plus loin !» leur dit-il. « Mais, monsieur le gouverneur, » observa un geôlier, « si cet homme a de mauvaises intentions ?»« Oh, il n'y a pas de danger, » répondit fiévreusement Guitalens. « Et d'ailleurs, il s'agit d'un secret d'État. Le premier qui approche de cette porte, je le fais jeter dans un cachot. » Les gardes se retirèrent en toute hâte. Guitalens rentra dans le cachot, ferma la porte pour plus de précaution et marcha vivement à Pardeillan. Il tremblait de tous ses membres. Il voulait parler. Aucun son ne sortit de sa gorge. Monsieur, dit le chevalier, je ne dois pas vous surprendre beaucoup en vous apprenant que la personne à qui est destinée ma lettre. Plus bas, plus bas, supplia Guy Talens. C'est le roi de France, acheva Pardaillan. Le roi, murmura le gouverneur en s'effondrant sur l'escabeau. Maintenant, si vous tenez à savoir ce que j'écris à Sa Majesté, j'ai fait un double de ma lettre à votre intention. Ce double, le voici. Lisez-le. Pardaillan tira de son pourpoint le papier sur lequel il avait écrit la veille et le tendit au gouverneur. Celui-ci le saisit en donnant tous les signes d'une terreur extraordinaire. Il parvint enfin à le déplier, le lut, ou plutôt le parcourut d'un seul regard, et poussa alors un gémissement d'épouvante. Voici ce que contenait le papier. Sa Majesté est prévenue qu'il y a contre elle complot d'assassinat. Messieurs de Guise, de Danville, de Tavannes, de Cossens, de Sainte-Foy, de Guy Talens, gouverneur de la Bastille, conspirent pour tuer le roi et faire sacrer à sa place Monsieur le Duc de Guise. Sa Majesté aura la preuve du complot en faisant mettre à la question le moine Thibault ou Monsieur de Guy Talens, l'un des plus acharnés. La dernière réunion des conspirateurs a eu lieu dans une arrière-salle de l'auberge de la Devinière, rue Saint-Denis. « Je suis perdu !» bégaya Guy Talens. À demi évanoui, il se renversa en arrière et fut tombé si Pardaillan ne l'avait soutenu. « Courage, morbleu !» fit le chevalier à voix basse. En même temps, il serrait énergiquement le bras de Guy Talens. « Courage !» interrogea le malheureux gouverneur. « Eh oui, s'il reste une chance, une seule chance de salut pour vous, vous allez la perdre en vous évanouissant comme une femmelette au lieu de vous raidir. »« Misérable !» gronda Guy Talens à bout de force morale. « Après m'avoir perdu, tu m'insultes encore de tes railleries ? Ah, tu achètes ta liberté à ce prix ? Eh bien !»« Monsieur, » interrompit Pardaillan d'une voix solennelle, « prenez garde à ce que vous allez dire ou faire. Ne m'accusez pas. Je suis un être innocent jeté dans cette effroyable prison pour toute la vie. Je cherche ma liberté, voilà tout. Mais je puis vous sauver. Vous, vous me sauveriez? Et comment? Non, non, ajouta-t-il en se tordant les mains. Plus d'espoir. Dans quelques instants, le roi saura l'horrible vérité. On viendra me saisir. Eh, s'écria Pardaillan en secouant le bras de Guy Talens, qui vous dit que le roi va être prévenu dans quelques instants? La lettre. Il ne l'aura que ce soir. Mon ami ne doit la porter que ce soir à 8 heures, entendez-vous? Nous avons donc toute une journée devant nous. Fuir? Mais où fuir? Je serai rejoint. Non, ne fuyez pas. Arrangez-vous simplement pour que la lettre ne parvienne pas au roi. Et comment? Un seul homme est capable d'arrêter cette lettre dans sa route. C'est moi. Faites-moi sortir d'ici. « Dans 1 heure, je suis chez mon ami, je reprends la lettre et je la brûle. » Guy Talens leva sur Pardaillan des yeux éteints par l'épouvante portée à son paroxysme. « Et qui me garantit que vous feriez ça ? » balbutia-t-il. « Monsieur, s'écria le chevalier, regardez-moi. Je vous jure sur ma tête que si vous me faites sortir, cette lettre ne parviendra pas au roi. Puissais-je être foudroyé si je mens ? Et maintenant, écoutez, ceci est votre dernière chance, je ne vous dirai plus rien. Si vous ne me relâchez, le roi que je sauve me fera bien relâcher, lui. Qu'est-ce que je risque? De rester ici 1 jour, 2 jours au plus? Tandis que vous, si vous ne me faites sortir, vous êtes un homme mort. Adieu, monsieur. » Sur ce mot, Pardaillan se retira dans un angle du cachot. Guy Talens demeura quelques minutes effondré sur l'escabeau, faisant d'incroyables efforts pour ressaisir sa pensée vacillante. Le coup qui le frappait était vraiment terrible. Il se voyait condamné à mort. Et quelle mort ! Quel supplice effroyable briserait sans doute son corps avant qu'il ne se balançât au bout d'une des cordes de Montfaucon. En cet instant, avec l'étrange vitesse de la pensée, avec l'extraordinaire précision qu'acquiert l'imagination à de certains moments d'angoisse, il reconstitua les supplices auxquels il avait assisté en sa qualité de gouverneur de la grande geôle royale. Il revit les fantômes des malheureux qu'il avait fait attacher au lit de torture, les coins de bois qui s'enfoncent entre les jambes à coups de maillet et qui broient les os, les tenailles chauffées à blanc avec quoi on arrache les mamelles, les pinces qui servent à extirper l'un après l'autre les ongles des 10 doigts, l'entonnoir qu'on enfonce dans la bouche du patient et où on verse de l'eau jusqu'à ce que le ventre en éclate, les chevaux puissants qui tirent dans 4 directions différentes les membres des parricides, et la mise en scène funèbre de ces spectacles hideux, la foule avide qui ondule et trépigne autour du condamné, les cierges qui brûlent, les psalmodies des moines. Il revit tout cela. Et que lui ferait-on à lui régicide? Une épouvante sans nom s'empara de lui. Il faut dire que Guy Talens n'était pas plus attaché à Henri de Guise qu'il voulait faire couronner qu'à Charles IX qu'il voulait détrôner. Semblable à tous ceux qui conspirent non pour un changement d'état social, non pour une idée, mais pour un changement de personnel gouvernemental, pour des hommes, l'ambition seule l'avait décidé à risquer l'aventure. Et maintenant, devant la mort, devant le supplice inévitable, il maudissait cette ambition. Il eût donné tout au monde pour n'être que l'un de ces humbles geôliers qu'il rudoyait tous les jours, ou même l'un de ces prisonniers dont il avait la garde. Il tourna vers Pardeillan un œil mourant et le vit tranquille, indifférent, comme l'homme sûr de lui. Alors, il songea que les gardes et les geôliers qu'il avait laissés dans le corridor allaient s'étonner de sa longue entrevue avec un prisonnier, le soupçonner peut-être. Et pourtant, il ne se décidait pas. Sa volonté était paralysée. Il lui semblait que jamais il ne pourrait se lever de cet escabeau. Soudain, un bruit sonore, triste, avec un tintement prolongé, retentit dans le corridor. Guy Talens se redressa, les yeux exorbités, les cheveux hérissés, avec un gémissement sur ses lèvres tordues, avec cette effrayante pensée « Je suis découvert, on vient me chercher !» Cependant, le silence, de nouveau, pesa sur cette scène de drame qui se déchaînait dans une conscience humaine. On ne venait pas chercher Guy Talens, il n'était pas découvert. Simplement, un geôlier avait laissé tomber son trousseau de clés sur les dalles du corridor. Pardeillan, qui affectait une belle indifférence tranquille, avait suivi du coin de l'œil sur la physionomie de Guy Talens les progrès de la terreur et de l'angoisse. Il attendait avec une profonde anxiété l'aboutissement fatal de la scène. Ou Guy Talens aurait assez peur pour le mettre en liberté. Ou cette même peur, poussée au paroxysme, le paralyserait. En ce dernier cas, songeait-il, je suis un homme perdu. Si, dans 5 minutes, cet homme n'est pas convaincu qu'il ne peut se sauver qu'en me sauvant, il va rentrer chez lui et attendre les événements. Il tremblera 8 jours, 15 jours, 1 mois. Puis, quand il verra que j'ai menti, que je ne l'ai pas dénoncé, ou même quand il se dira que, l'ayant dénoncé, ce chien a pu perdre le papier révélateur, alors il reprendra courage et se vengera. Je serai jeté dans quelque souterrain qui deviendra une tombe. » La chute des clés le fit violemment tressaillir, lui aussi. Et il allait marcher sur Guy Talens, se livrer à quelque tentative désespérée, lorsqu'il vit le gouverneur se redresser et, tout trébuchant, s'approcher de lui. Guy Talens claquait des dents. « Jurez-moi » bégaya-t-il. « Jurez-moi, sur le Christ, sur l'Évangile, que vous arriverez à temps pour reprendre la lettre. » « Je jurerai tout ce que vous voudrez, » dit Pardeillan d'une voix très calme, « mais je vous ferai observer que le temps passe. Vos gardes eux-mêmes vont s'étonner. » « C'est vrai, » dit Guy Talens en essuyant son front couvert de sueur. « Eh bien ?» Une dernière lutte se livra dans l'esprit du gouverneur. Pardeillan bouillonnait d'impatience, mais ses traits n'en demeuraient que plus rigides. « Au surplus, » dit alors le chevalier, « peut-être vaut-il mieux que les choses suivent leur cours naturel. Mon ami recevra la lettre, il la donnera au roi, je serai délivré. Et quant à vous, sans aucun doute, vous ne serez pas embarrassé pour vous disculper. « Monsieur, » dit Guy Talens d'une voix sourde, « dans une demi-heure, vous serez dehors. » Pardeillan eut assez de puissance sur lui-même pour commander à son visage de n'exprimer qu'une joie de politesse. « Comme vous voudrez, » répondit-il. Guy Talens leva les bras vers la voûte, comme pour implorer l'assistance divine. En effet, les traîtres dans le genre de Guy Talens ont fabriqué un dieu très commode qui arrive toujours à point dans leurs discours et leurs gestes pour se faire leur complice. Puis, satisfait sans doute d'avoir mis Dieu de son côté par ce simple geste, il ouvrit la porte, rappela les gardes et, devant eux, se tourna vers le prisonnier. « Monsieur, dit-il, votre secret vaut en effet la peine d'être transmis à Sa Majesté. Je ne doute pas de la reconnaissance du roi, et j'espère que dans peu d'instants, je pourrai vous ouvrir moi-même les portes de cette Bastille. » Le geôlier de Pardeillan demeura stupéfait. « Je vous l'avais bien dit, dit le chevalier en souriant. « Ma foi, je vous avais cru fou, dit le geôlier, mais maintenant... « Maintenant, je vous crois sorcier. » Le gouverneur, en toute hâte, fit atteler son carrosse et y monta en disant à voix haute qu'il se rendait au Louvre. Il s'y rendit en effet et y demeura juste le temps nécessaire pour que ses gens puissent croire qu'il avait parlé au roi. Au bout, non pas d'une demi-heure comme il l'avait dit, mais d'une heure, il était de retour et s'écriait devant quelques officiers. « Ah, c'est un bien grand service que cet homme rend à Sa Majesté !»« Mais, messieurs, silence absolu sur tout ceci. Il y va de votre emploi et peut-être de votre liberté. Affaire d'État !» Les officiers frissonnèrent. « Affaire d'État » était un mot magique capable de bâillonner les plus bavards. Guy Talens, séance tenante, se rendit à la prison de Pardeillan. Monsieur, lui dit-il, je suis heureux de vous annoncer qu'en raison du service que vous lui rendez, Sa Majesté vous fait grâce. J'en étais sûr, fit Pardeillan en s'inclinant. 5 minutes plus tard, le chevalier était dehors. Le gouverneur l'avait escorté jusqu'au pont-levis, honneur qui prouvait à tous en quelle estime il tenait son ancien prisonnier. Au moment où Pardeillan allait s'éloigner, Guy Talens lui serra la main d'une façon significative. « Voulez-vous que je vous rassure ?» fit Pardeillan pris de pitié. Les yeux de Guy Talens flamboyèrent. « Eh bien, écoutez donc, le papier que j'ai jeté à mon chien ?»« Oui. » « L'ami qui devait le porter au roi ?»« Oui, oui. » « Eh bien, l'ami n'existe pas. Le papier était blanc. » « Je suis incapable d'une dénonciation, même pour sauver ma vie. » Guy Talens étouffa un cri où il y avait autant de joie que de regret. Un instant, il eut la pensée de mettre la main au collet de celui qui avouait l'avoir joué. Mais comme c'était un homme à double face, il supposa naturellement que Pardeillan pouvait mentir, que le papier pouvait bien contenir la dénonciation. Il grimaça dans un sourire. « Vous êtes un charmant cavalier, dit-il, et je suis vraiment heureux de vous donner la clé des champs. Mais si, par hasard, vous changiez d'idée, s'il vous prenait fantaisie d'envoyer réellement le papier en question, j'espère que vous sauriez reconnaître le service que je vous rends aujourd'hui. »« Comment cela ?»« En y oubliant mon nom. »